j'avais décidé d'étudier un bon plan pour remédier à la pauvreté qui devient monnaie courante, qui s'abattra sur toi comme une vague déferlante. L'avenir ne nous dira jamais rien, alors surtout, plante-toi bien. N'écoute pas ce que l'État a à nous dire, leur but est de tout interdire. Menons notre offensive envers cette politique abusive. Menons notre offensive, la vie ne doit pas être à but lucratif. Envers cette politique abusive, menons notre offensive, l'alternative. Depuis notre naissance, on est conditionné, rangé dans des cases, prisonnier. Il devrait arrêter de penser qu'on est une putain d'espèce à apprivoiser. Le futur ne nous promet rien, mais on ne sera jamais prolétarien. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut vivre d'aventure. Menons notre offensive envers cette politique abusive. Menons notre offensive, la vie ne doit pas être à but lucratif. Envers cette politique abusive, menons notre offensive, l'alternative. Cotiser toute une vie pour pas en profiter, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Vivre dans des maisons créditées, vivre dans la crainte sans arrêt. Se laisser exploiter sans l'ouvrir, sans essayer de s'en sortir. Nous vivons une utopie, nous sommes acteurs de notre partie, l'alternative.